na kozela yo machinga ekongina na la tengeri na kozela yo motema ekopela machinga echeri bakwiti ekozala ngai kongite na la la tengeri o machinga e o mon amour o mokele blese machinga e machinga e Matinda e mama, sherina ko kanisa yo. Matinda e opona kinando to sherina ko zela tro. Papa si ya kolinga e besika e tuble na lela kayo. Bakwiti e kosala ngai kongite na lala te shiri. Oh matinda e, oh mon amour, oh mokere bese matinda e, matinda e. Matinda e mama, sherina kolela yo. Matinda e pongina nana te vrema na kozela yo. Motema e kopela e tiringa na luka kayo sheri. Nakwiti e kosala ngai pongite na lala te shiri. Oh matinda e, oh mon amour, oh mokele blese matinda e, matinda e. Kanisa yo Matinda e opona kinando to sherina kozela tro Papa si ya polinga e besika e trouble na lela kayo Bakwiti e kozala ngai pongite na lala te shiri Oh Matinda e Oh mon amour Oh mokele blese Matinda e Matinda e Oh Matinda e mama sherina kolela yo Motema e kopela e tindika na luka kayo sheri Bakwiti e kozala ngai pongite na lala te shiri Oh matinda e, oh mon amour Oh mokele blese matinda e, matinda e Matinda e mama, Matinda e mama, je t'aime beaucoup. Oh Matinda chérie, la main dans la main. Oh Matinda e mama, Matinda e mama, je t'aime beaucoup. Oh Matinda chérie, la main dans la main. Oh Matinda e mama, Matinda e mama, je t'aime beaucoup. Oh Matinda chérie. La main dans la main Oh Matinda e mama Matinda e mama Je t'aime beaucoup Oh Matinda chérie La main dans la main We'll be right back.